Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique au Mangin Palace, épisode 25. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, le dimanche 26 février 2006, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es bâbord, tu es sur le pont, tu es transatlantique, tu es le commandant Stubbing, tu es le Queen Mary 2, et tu es aussi... Oui, tu l'auras compris l'ami, ce matin, tu embarques sur un paquebot, tu es croisière maritime. Figure-toi que depuis 10 ans, c'est l'industrie des croisières qui a connu la plus forte croissance du secteur touristique au niveau mondial. Ainsi, des Caraïbes au canal de Suez, des eaux du Nil au port de New York, c'est le grand retour des séjours en paquebot. Alors, à l'heure où nous avons appris que le porte-avions Clémenceau allait finalement effectuer une ultime croisière sur les flots, la panique au Mangin Palace a décidé ce matin d'aller faire un tour en mer le long des golfes clairs. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée mais toujours décalée, celle des croisières maritimes. Pour commencer, il faut se souvenir des grandes étapes historiques des traversées transatlantiques. Ensuite, il faudra monter à bord du navire et dresser une galerie de portraits des personnages que tu peux croiser sur un paquebot. On enchaînera sur une interview exclusive du chanteur Antoine qui viendra nous raconter ses souvenirs de môme sur un paquebot. Et puis, pour rentabiliser le retour en France du Clémenceau, président Chirac casse les prix et te propose une croisière exceptionnelle sur le porte-avions. Nous te dévoilerons alors ce qui t'attend sur la route des Indes jusqu'au port de Brest. Et enfin, te raconter cette merveilleuse croisière qu'a offert Jean-Claude à Monique pour la Saint-Valentin il y a 15 jours. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace, alors bien sûr, monte le son et trémousse-toi, la croisière s'amuse. Round, round, get around, I get around, yeah, get around, round, round, I get around, I get around. It's never been beat, and we've never missed yet with the girls we meet. None of the guys go steady, 'cause it wouldn't be right to leave your best girl home on a Saturday night. I get around. Get around. I Get Around, les Beach Boys en 1966. I Get Around, je tourne autour car les gentils quinquagénaires, veuves ou divorcés, partis en solitaire faire une croisière, rencontrent souvent des gigolos qui leur tournent autour. Ainsi, cette semaine, la panique au Mangin Palace te propose d'embarquer sur un paquebot et pour commencer notre croisière, il est nécessaire de revenir sur l'histoire des traversées transatlantiques. Jusqu'au premier tiers du 19e siècle, le seul moyen de traverser les océans, c'était le voilier. C'est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau. Liceo, Santillano. 18-400 tonneaux, je suis fier d'y être matelot. Tiens bon la vague et tiens bon le vent. Liceo, Santillano. Sur la mer qui fait le gros dos, nous irons jusqu'à San Francisco. Les trois mâts dominent donc les mers avec la révolution industrielle au 19e siècle. La voile est peu à peu remplacée par la vapeur. En 1838, le Sirius est le premier navire à réaliser la traversée de l'Atlantique sans l'aide de ses voiles, uniquement grâce à la force de la vapeur. Le voyage dure à l'époque 18 jours et 14 heures contre une trentaine de jours avec un voilier. Commence alors une lutte acharnée entre les compagnies maritimes pour obtenir le fameux ruban bleu offert au paquebot qui détient le record de rapidité. La France entre dans la course en 1855 avec la création par les frères Pereire de la Compagnie Générale Maritime devenue la Compagnie Générale Transatlantique, autrement dit la French Line. Ses grandes rivales sont d'une part la Cunard Line, qui conserve pendant 22 ans le ruban bleu, avec ses navires Lusitania et Mauretania, et d'autre part la White Star Line, qui en 1912 construit le plus grand paquebot du monde. Putain de merde! Mais répondez, bande de salauds! Y'a quelqu'un qui m'entend? Oui, qu'est-ce que vous voyez? Un iceberg droit devant! Merci! Le naufrage du Titanic, le 14 avril 1912, cause la mort de 1490 Lascars et fait naître 11 Oscars. Mais ce drame ne remet pas en cause la course au ruban bleu. En 1935, la Compagnie Générale Transatlantique lance le Normandie qui, durant l'entre-deux-guerres, rivalise de vitesse avec le Queen Mary. Le Normandie coule dans le port de New York en 1942 suite à un incendie accidentel. Les pompiers ont utilisé beaucoup trop d'eau pour éteindre le feu et le Normandie fut déséquilibré et chavira. La France a donc perdu avec le Normandie son navire vedette et il faut aller à Saint-Nazaire pour que le général de Gaulle te présente le nouveau fleuron de la marine française le 11 mai 1960. Le paquebot France est lancé! Il a épousé la mer. La mer. On voit danser le long des golfes clairs. La mer qui sépare les nations et qui leur permet de se joindre. Ce navire sera le plus grand, le plus sûr, le plus puissant, le plus rapide des navires de son espèce. Et maintenant que France s'achève et qu'il s'en aille vers l'océan pour voguer et pour servir, vive la France ! Le France entre donc en service en 1960. Mais les années 60, c'est aussi le développement de l'aviation civile. Le Boeing 707 fait de l'ombre au paquebot. Aujourd'hui, New York est à moins de 8 heures d'avion de Paris. Alors les transatlantiques, bien sûr, ont du mal à suivre la concurrence. Et en 1974, le navire vitrine de la France est mis à la retraite au Havre. J'étais un bateau gigantesque, capable de croiser mille ans. J'étais la France, qu'est-ce qu'il en reste? Un corps mort pour des corps morts. m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France, c'est ma dernière volonté. Ne m'appelez plus jamais France, ça tombe bien car en 1979, le France fut rebaptisé le Norway. Donc, face aux avions, les transatlantiques ont moins la cote. Pourtant, de nouveaux navires sont lancés, comme à Clydebank en septembre 1967. La reine Elisabeth a dû appuyer deux fois sur un tout petit bouton pour libérer l'énorme masse du nouveau paquebot britannique. La foule était impatiente de connaître le nom de ce nouveau transatlantique, mais le suspense a été préservé jusqu'à la dernière seconde. I name this ship Queen Elizabeth II. May God bless her and all who sail in her. La tradition est respectée alors que le premier Queen Elizabeth approche de la retraite et que le Queen Mary en est à son dernier voyage, c'est le nom de la reine qui a été choisi. Dans une atmosphère de secret gardée jusqu'à la dernière seconde, on avait imaginé que le dernier né de la Cunard s'appellerait Churchill ou Princesse Margaret. Aujourd'hui, le Queen Elizabeth s'est orienté vers les croisières d'agrément. Cette forme de tourisme en pleine expansion fut longtemps un luxe réservé à une élite fortunée. Georges de Cône y était en 1949. Lentement, le commandant Quéré manœuvre pour quitter le port de Marseille et voici soudain, sous le soleil, la Côte d'Azur défilant à quelques centaines de mètres de nous avec ses calanques logées au creux des rochers blancs et rouges et ses villages que traversent de joyeux farandoleurs. Le soir est tombé lorsque nous arrivons devant le long décor électrique de la promenade des Anglais à Nice, au loin Monaco et Menton, mais le commandant Quéré tourne le dos à l'appel lumineux de la Terre et se dirige dans la nuit vers la Corse. Les croisières d'agrément, longtemps symbole de luxe, se démocratisent quelque peu dans les années 60-70. Les classes moyennes ont alors accès à ces grands navires blancs qui nous font rêver, où une hôtesse sympa t'accueille, où le docteur est toujours à l'écoute et où le barman est vraiment un type cool. Le bateau de l'amour, quoi. Love, exciting and new. Come aboard. We're expecting you and love, life's sweetest reward. Let it flow, it floats back to you. Eh oui, les croisières dans les îles des Caraïbes ou en Méditerranée sont devenues une forme de tourisme en vogue. Les croisières véhiculent aujourd'hui encore l'image du luxe des transatlantiques de l'entre-deux-guerres. Mais alors que tout le monde cherche à gagner du temps, le vrai luxe n'est-il pas finalement de traverser l'Atlantique en 6 jours et non en 8 heures ? En paquebot, tu voyages, en avion, tu pars. Je ne voyage pas, je pars. Comme on jette un libre pas. Pour écrire un bonjour l'histoire d'une vie que l'on a rêvée. Je ne voyage pas, je pars. Pour le plaisir d'aller graver d'autres prénoms sur le comptoir de mes amours inachevés. J'ai appris à faire mes bagages. Les premières notes d'ennui, à me taire encore davantage devant les murs de mon gratuit, à clouer des étoiles au ciel comme d'autres sèment des cailloux blancs pour faire un signe à ceux et celles que j'ai perdu chemin faisant. Je ne voyage pas, je pars, comme on jette un livre pareil, pour écrire un bonjour l'histoire d'une vie que l'on a rêvée. Je ne voyage pas, je pars, pour le plaisir d'aller graver d'autres prénoms sur le comptoir de mes amours inachevés. J'ai appris à toucher le fond de regards prêts à chavirer, appris à étouffer le son de porte-claques en pensée, à mélanger sans m'étaler mes cartes et mes lignes de cœur pour forcer le destin à aller le temps de trouver mon bonheur. Je ne voyage pas, je pars, c'est ce qu'affirme cette année Art Mengo sur un album intitulé entre mes guillemets Je ne voyage pas, je pars. C'est sans doute ce qu'ont dû dire les premiers migrants anglo-saxons qui ont traversé l'Atlantique en bateau pour rejoindre le Nouveau Monde. Alors, pour continuer notre périple en paquebot, après avoir survolé l'histoire des traversées transatlantiques, il est temps maintenant de s'intéresser de plus près aux personnages improbables que tu peux croiser lors d'une croisière. Allez, prends la passerelle et monte à bord, nous partons pour New York City. Te voilà donc prêt à embarquer pour quelques jours sur le plus gros paquebot du monde, le Queen Mary II. Ce gigantesque navire britannique construit en France mesure 345 mètres de long, 41 mètres de large et 74 mètres de haut. Sa surface habitable est de 26 800 mètres carrés, c'est énorme, et il possède 1310 cabines, autrement dit, il peut accueillir 2600 passagers auxquels s'ajoutent les 1250 membres de l'équipage. Et d'ailleurs, ce sont eux que tu rencontres en premier. Les membres de l'équipage t'attendent tout en haut de la passerelle en uniforme blanc impeccable. Ils sont toujours ravis de t'accueillir sur leur paquebot. Bonjour, bonjour, je viens vous inviter. Laissez tout tomber, on va embarquer pour un pays qui va vous enchanter, vous embéguiner, laissez-vous tenter. C'est une île perdue au milieu de l'océan, un jardin merveilleux, ça y est, tout le monde a rejoint le navire, le paquebot largue les amarres et se lance dans sa trajectoire vers New York City. Après avoir pris possession de ta cabine, en classe éco évidemment, avec un seul hublot, tu décides d'aller te balader sur le pont supérieur en direction de la proue du bateau, autrement dit à l'avant. Et là, perché sur la rambarde, tu croises toujours deux ou trois excités qui racontent n'importe quoi. Wouh ! Mais je vois déjà la statue de la liberté ! Toute petite, bien sûr. Je suis le maître du monde! Wouhou! Wouhou! Comme il fait beau, tu décides de continuer à prendre l'air du large sur la terrasse arrière. C'est là que se situe l'une des 5 piscines du Queen Mary. Les rombières se sont déjà installées au soleil sur les transats et les cacous sont déjà en moulburnes et claquettes pour exhiber leur plastique de culturiste. C'est alors que tu t'approches du bar extérieur où Isaac, le sympathique barman afro-américain, te sert un joli cocktail aux fruits de la passion. Assis à tes côtés, tu t'aperçois que pour certains, c'est la première fois qu'ils montent sur un bateau. Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes ? Mais oui, mon gros bêta, s'il n'en avait pas, il ne marcherait pas. Trois jours ont passé et la vie est tranquille sur ce paquebot. Farniente, spectacle de magie à la gare Seymour et partie de bridge endiablée, rythme ton quotidien à bord. Ce soir, il fait bon et après le dîner, où l'orchestre a joué à plein tube de la bossa nova, tu rôdes sur le pont inférieur pour fumer une cigarette. Et c'est là que tu rencontres les deux personnages qui construisent à eux deux la mythologie des croisières. Je vous ai cherché dans tout le bateau. J'ai appelé votre cabine, cette... Vous avez pleuré. La beauté m'émeut toujours. Je vous raccompagne à votre cabine. Non, il vaut mieux pas. Bonne nuit. Bonne nuit. Oui, les couples se font et se défont pendant la croisière. Et d'ailleurs, ceux-là finiront ensemble dans une cabine commune avant que lui ne retrouve sa femme légitime qui l'attend sur les quais du port de New York. Il ne reste que 2 jours de traversée, mais le temps a passé si vite. Cet après-midi, le commandant Stubbing vous a signalé une baleine à bâbord. C'était magnifique. Et une épave à tribord, le Clémenceau. Les Anglais ont beaucoup ri. Toi, tu as eu honte. Mais bon, ça y est, nous ne sommes plus qu'à quelques miles de New York City. Cela dit, pour la première fois depuis le départ de cette croisière, tu viens de remarquer la présence à bord des machinaux, ceux qui font turbiner l'engin nuit et jour, et à l'approche du port, les matelots du Queen Mary sont, comment dire, chaud bouillant. Hello, Captain, fais briller tes galons, et reste bien au chaud quand on gèle sur le pont. Nous, c'est notre peine qui nous coule sur le front, alors tiens bien les rênes, tu connais la chance. Alors, tu es un peu troublé par cette ambiance virile qui sent la sueur au milieu de cette croisière paisible et enfantine. Mais bon, heureusement, le capitaine intervient très vite pour remettre de l'ordre dans son équipage. Vous dites, mais c'est fini, oui, un peu de tenue. Non, mais vous vous donnez en spectacle maintenant. Alors n'oubliez pas que le Nouveau Monde a les yeux fixés sur vous. Là, ils sont là. Allez hop, dans vos cabines. Donc, te voilà arrivé à New York, bienvenue. Alors maintenant, pour compléter notre regard sur l'univers des croisières, nous avons joint cette semaine au téléphone, en duplex de Nouvelle-Zélande, le facétieux chanteur Antoine et ses cheveux longs. Pour commencer, nous lui avons demandé s'il avait déjà fait des voyages en paquebot. Réponse, juste après le jingle. C'est cadeau VIP, 100% VIP. Eh ben moi, je suis né dans les croisières en paquebot parce que je suis né à Madagascar. Que enfant, à l'âge de même pas 2 ans, j'ai remonté la mer Rouge et le canal de Suez sur un bateau qui avait été transformé en bateau militaire pendant la guerre et qui faisait un de ses premiers voyages civils. C'était en 1946. Et ensuite, entre l'âge de 4 ans et de 10 ans, j'ai traversé 4 fois l'Atlantique vers l'Amérique, sur les paquebots les plus beaux, l'île de France, l'île de Grâce, la Liberté. Quand j'étais petit, ces traversées étaient extraordinaires parce qu'il y avait toutes les gammes de la société. Nous, on était, comme j'étais fonctionnaire français à l'époque, on était placés dans les cabines de luxe avec des fenêtres rectangulaires, tandis que les cabines avaient des hublots ronds. Et alors, il y avait toute la hiérarchie. Nous autres, on pouvait descendre dans les classes inférieures, mais les autres, si on se faisait des copains dans les classes inférieures, ils n'avaient pas le droit de monter dans les classes. Enfin, c'était toute la hiérarchie de la colonie à l'époque, quoi. Et ensuite, beaucoup plus tard, quand je faisais chanteur à plein temps, j'ai une fois traversé sur le France, l'Atlantique jusqu'à New York, quoi. Donc, vous avez beaucoup fréquenté les paquebots, Antoine, surtout dans votre jeunesse. Mais dites-moi, d'après vous, qu'est-ce qui a le plus changé depuis cette époque ? Eh bien, là, il y avait une très grande différence par rapport à maintenant, à ce que sont les croisières maintenant. C'est-à-dire que ce n'était pas des croisières, hein. C'était des voyages. À l'époque, c'était des voyageurs. C'est-à-dire qu'on partait d'un endroit, on allait à un autre endroit, et on préférait le faire en bateau, quoi. La France sortait juste de la guerre. Sur les bateaux, les paquebots qui, de la transatlantique, de la French Line, la Transat, là, c'était... C'était une opulence, c'était une richesse, c'était formidable, y compris pour les enfants que nous étions. Maintenant, c'est certain que c'est devenu très différent, que les bateaux, y compris le France maintenant, qui est parti à se désamianter apparemment, je crois, ça pose des problèmes comme pour le Clémenceau. Maintenant, c'est devenu, ça a été remplacé par des croisières, c'est-à-dire des touristes qui embarquent à un endroit, qui redébarquent au même endroit et qui entre-temps vont dans les magasins hors taxes des endroits les plus saturés de touristes, acheter des objets inutiles Et bon, ça, c'est cauchemardesque pour moi. Et alors, à l'opposé, la croisière de vos rêves, c'est quoi ? Ben, la croisière de mes rêves, c'est plutôt, je vous dis, d'aller d'un endroit à l'autre, quoi. Et puis donc, la croisière de mes rêves, c'est la croisière sur un petit bateau indépendant, sans horaire, sans règles, sans loi, telle que je la pratique depuis une trentaine d'années maintenant. Une croisière sans contrainte, donc une croisière à la Antoine. Alors, par ailleurs, je sais qu'il y avait, dans les années 50, un paquebot qui s'appelait le Mangin. Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Une de mes croisières sur un bateau, c'était pas une croisière, encore une fois, c'était un transport avec mes parents de Marseille à Yaoundé au Cameroun, à l'âge de, je dirais, 12 ans, c'était sur le Général Mangin. C'était sur le Général Mangin qui faisait la ligne de l'Afrique occidentale. Donc sur le Général Mangin, je suis allé à Alger, à Casablanca, à Dakar, à Abidjan, Cotonou et à Yaoundé, à Douala. À Douala, pardon, j'ai dit Yaoundé, c'est Douala, bien sûr. Voilà, et bien écoutez, c'était Antoine en Nouvelle-Zélande, en train de naviguer autour de l'île du Nord de Nouvelle-Zélande avant de repartir vers la Polynésie. Et tout ça, c'était pour la panique au Mangin Palace. Son of the 70s, ce que chante Smooth en 2005, le son des années 70 pour la French Line, c'est sans doute le chant des sirènes du France quand en septembre 1974, l'équipage se met en grève et prend le contrôle du navire. Alors pour poursuivre notre exploration du monde fascinant des paquebots géants, la panique au Mangin Palace a décidé de t'offrir maintenant une croisière sur l'un des navires les plus en vogue du moment, le Clémenceau. Ces dernières semaines, on a beaucoup parlé du Clémenceau, mais rassure-toi, au dire de la Royale, tout va pour le mieux, le Clémenceau ne pose aucun danger. Le Le porte-avions Clémenceau, construit en 1957 à Brest, a navigué sur les flots jusqu'en 1991. Le Clem, c'était 1300 hommes à bord et beaucoup en ont gardé un souvenir ému. Nous étions trois jeunes matelots, trois beaux marins, grands et costauds, embarqués un jour à Toulon, sans uniforme et sans galon, sur le porte-avions Clémenceau. Sur le porte-avions Clémenceau. Nous étions trois jeunes militaires, pas trop amoureux de la guerre, et nous voulions bien nous faire tondre en échange d'un tour du monde sur un joli bateau en fer. Sur un joli bateau en fer. Le Clémenceau a donc été désarmé en octobre 1997. L'armée française l'a envoyé à la démolition dans un chantier indien. Hélas, pour la marine nationale, les écolos, Greenpeace en tête, ont révélé que le porte-avions était bourré d'amiante. Le faire dépecer en Inde, c'est donc un crime écologique. Le Clémenceau a donc quitté Toulon le 31 décembre dernier en direction de l'Inde. On nous assurait alors que le voyage ne durerait pas longtemps. Allez, on va dire 35 jours de mer et 2 nuits pour vider ce bateau de son amiante. 35 jours. Le voyage du Clémenceau pour l'Inde ne s'est pas déroulé comme prévu. Le passage par le canal de Suez a occasionné une facture supplémentaire de 2 millions d'euros après que l'Égypte ait hésité plusieurs jours à autoriser le navire à passer. Une fois le canal de Suez franchi, c'est au tour de l'Inde d'interdire au Clémenceau d'entrer dans ses eaux territoriales. C'est alors que le monde entier rigole des ronds que fait le Clémenceau dans l'océan Indien. Président Chirac, toujours prêt à revêtir son habit de justicier pour les grandes causes nationales, ne peut rester sans agir face au ridicule de l'ancien fleuron de la marine. Oh mon bateau, tu es le plus beau des bateaux, et tu me guides sur les flots, vers ce qu'il y a de plus beau. Mardi 15 février, président Chirac a repris les choses en main. Le porte-avions sera donc rapatrié à Brest. Mais comment Michel Alliot-Marie, ministre de la Défense, a-t-elle pu laisser le Clémenceau errer aussi longtemps sur les flots? Certains mauvais esprits ont une explication toute faite. Elle préfère l'amour en mer, c'est juste une question de tempo. Elle préfère l'amour en mer, mais président Chirac a décidé que le Clémenceau serait rapatrié à Brest. Cela dit, comme le voyage aller a coûté très cher, pourquoi ne pas imaginer de rentabiliser le trajet du retour en organisant une croisière à bord du Clémenceau? C'est une bonne occasion pour voir du pays. Toi qui veux voir du pays, pourquoi ne pas le faire aux frais des militaires? Habillés, logés, nourris, services compris. Avec tes garçons de ton âge, qui comme toi rêvent d'aventure et de partir un jour enfin à l'abordage. Dans la marine, tu deviendras un homme, mon fils. Dans la marine, quand tu auras fait ton service. Dans la marine, à voile ou à vapeur. Dans la marine, tu peux faire de belles croisières de l'Inde à Brest en passant par le cap de Bonne-Espérance. Pourtant, à 2 millions d'euros le passage, les Égyptiens auraient peut-être aimé revoir le Clem. Je suis la plus belle escale sur la terre tropicale, marin des mers boréales, jette l'ancre et viens là. Le canal de Suez ne sera donc pas une escale pour le Clémenceau qui va contourner l'Afrique par le sud. Bien sûr, c'est plus long. Et à une allure de 3 nœuds, le retour du Clémenceau devrait durer 3 mois. Mais ce n'est pas grave, il y a des réserves au fond des cales. On a 3 mois de réserve au fond des cales. Allez les gars, on va hisser la grande voile. Laissez passer les enfants de la nuit. Ils vont chercher le grand vent de l'oubli. Hasta luego, à bientôt si Dieu le veut. Hasta luego, on se reverra sous peu. La la la la la la la. On se reverra sous peu, mais avant cela, il faut franchir le cap de Bonne-Espérance et les 40e rugissants. Il est certain que président Chirac va tout faire pour encourager le Clémenceau dans son trajet difficile vers l'Atlantique. Souviens-toi, l'Atlantique. Toi, moi et la musique. Souviens-toi, souviens-toi de notre cric. Juste moi, juste toi et la musique, rythmée par l'océan et le souffle du vent, ce vent que j'entends, le vent de l'Atlantique. La traversée de l'Atlantique ne devrait pas trop poser de problème. En tout cas, moins que l'arrivée à Brest, où le maire ne s'est pas déclaré favorable à accueillir le navire pollué. Pourtant, le Clémenceau a été construit à Brest. Alors bien sûr, se voir refuser l'entrée de la rade, ça risque de lui faire mal. Est-ce que désormais tu me détestes d'avoir pu un jour quitter Brest? La rade, le port, ce qu'il en reste. Le vent dans l'avenue, Jean Jaurès. Le Clémenceau ira-t-il jusqu'à la rade de Brest? La dernière croisière tragico-burlesque du Clémenceau a du mal à cacher une réalité. De nombreux pays, comme les États-Unis ou le Royaume-Uni, coulent leurs navires hors d'usage sans désamiantage préalable. La polémique sur la quantité d'amiante restant dans le Clémenceau est légitime et utile, mais il ne faudrait pas que les malheurs du porte-avions français détournent nos responsables des solutions écologiques complexes pour des solutions de facilité bien plus polluantes. Nightboat to Cairo, tube de 1979 interprété par le groupe Madness. Bateau de nuit pour le Caire parce qu'évidemment, une croisière sur le Nil, ça ne se refuse pas. Même si les crocodiles ne sont plus là, mais puisqu'ils sont partis, n'en parlons plus. Alors, pour continuer notre voyage au cœur du monde merveilleux des paquebots, après avoir détaillé les périples du Clémenceau, il est temps maintenant de retrouver nos deux têtes de pont, les insubmersibles Monique et Jean-Claude. Il y a 15 jours, c'était la Saint-Valentin et Jean-Claude, qui avait totalement oublié la fête des amoureux l'an passé, a décidé cette année de frapper un grand coup et d'offrir à Monique un cadeau dont elle rêve depuis fort longtemps, une croisière de quelques jours sur un gigantesque paquebot en Méditerranée. Monique est folle de joie de partir en mer et ça tombe bien puisque les enfants sont en classe de neige à la Clusaz. Monique et Jean-Claude ont pris le train pour Marseille et se retrouvent donc à la gare maritime pour l'embarquement. Et là, immédiatement, sur les quais, Jean-Claude reconnaît le navire. Il est là, ton bateau blanc. Moi je le vois quitter le port, prendre le vent, t'emporter tout droit devant l'île au trésor. Et là-bas, tout au bout qui t'attend, c'était vrai, ton bateau blanc. Emmène-moi, emmène-moi dedans. Alors oui, ils prennent la passerelle et montent à bord du Matignon, cet énorme paquebot de la CNE, la Compagnie Navale des Embruns, surnommée par l'équipage la Compagnie Navale des Embrouilles. Cet énorme bateau doit emmener Monique et Jean-Claude à Barcelone en passant par le golfe du Lion. Ça y est, le navire largue les amarres et nos deux compères se sont installés dans leur cabine sur le pont inférieur. Mais pour Monique, il ne faut pas perdre un seul instant. Elle se précipite sur la terrasse arrière, prend un transat et s'installe. Au soleil, m'exposer un peu plus au soleil. Quand le cœur n'y est plus brûlé, ce que l'on adore, et réchauffer son corps. L'ambiance à bord est formidable. L'équipage est souriant et dévoué. Le commandant est d'une rare courtoisie. Et le soir, au dîner, l'orchestre joue la musique du film Titanic. Les spectacles de French Cancan sont magnifiques et les pina coladas sont très bien servis. Cependant, au troisième jour de la traversée, la houle s'est formée. Et Jean-Claude, lui, comment dire, il n'est pas au mieux. Je suis malade. Du coup, Jean-Claude doit rester couché sur la banquette de la cabine avec une bassine à ses pieds. S'il jette un œil par le hublot, c'est simple, il vomit. Cela dit, Monique veut tout de même continuer à profiter de sa croisière, d'autant que le soleil n'a pas disparu. Alors, elle décide d'aller prendre un bain dans la piscine sur le pont Les Promesses. C'est alors qu'en sortant de l'eau, les cheveux plaqués en arrière tel Romy Schneider, elle remarque un homme quinquagénaire très élégant lui lance des regards langoureux. Cet homme est là qui me regarde, je m'y accroche par mes gardes. Je n'ai pas su baisser les yeux, il semble en être très heureux. Il prend cela pour un aveu, mes yeux sont noirs, les siens sont bleus. Oh, oh, oh, quelle histoire! Il va croire que je le veux. Si je peux. L'homme en question ne se démonte pas et se dirige fissa vers le transat de Monique pour lui faire part de ses intentions. Je suis un être à la recherche, non pas de la vérité, mais simplement d'une aventure qui sort un peu de la banalité. Alors il cherche et il a trouvé, puisque tout à coup, Monique sent monter en elle un sentiment de désir profond pour cet homme qui n'est pas que beau, mais qui a l'air tendre aussi. Monique se ressaisit et pense à Jean-Claude, elle s'enfuit. Le même soir, Monique est invitée à dîner à la table du commandant Stubbing. Jean-Claude est toujours cloué au lit, elle y va donc seule. Elle retrouve alors, assis en face d'elle, cet homme si séduisant, qui s'appelle en réalité Gopher. Monique est de plus en plus troublée par sa prestance. À la fin du dîner, il lui propose d'aller boire un verre au bar de la discothèque du bateau. Monique accepte et, après quelques gin fizz bien tassés, Gopher se lance. Prends-moi la main, viens danser. J'ai du soleil sur la peau. J'ai dans le cœur un bongo. J'ai dans la tête un oiseau. Qui te dit tout, viens danser. Au même moment, Jean-Claude ne se sent pas bien du tout. Il a rejoint en urgence les toilettes. Sa croisière est gâchée par cette nausée. Il n'en peut plus. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on s'amuse et qu'on chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé vers le grand jour. J'ai vu les fanfares, les barrières et les gens autour. C'est alors qu'en sortant des toilettes, Jean-Claude surprend Monique dans les bras de Gopher, appuyés tous les deux sur la balustrade du paquebot. Jean-Claude décide alors de noyer son chagrin dans l'alcool et fonce vers le bar. Amis, je vous invite champagne pour l'amour de celle qui m'a laissé tomber. Elle ne m'a rien laissé. Je vais prendre une musette, danser et faire la fête. Champagne pour tout le monde et c'est moi qui perds. Monique, elle, est désespérée. Elle n'est pas amoureuse de Gopher, elle a juste voulu l'embrasser pour voir, mais elle regrette infiniment, elle a repoussé le belâtre. Désormais, elle erre dans la nuit fraîche, seule, sur le pont Les Promesses du Matignon, près de la piscine. Et totalement paumée, Monique plonge tout habillée. J'ai touché le fond de la piscine, dans le petit pull marine, tout déchiré au coude, que j'ai pas voulu recoudre, que tu m'avais donné. Je me sens tellement abandonnée. C'est plein de chlore au fond de la piscine, j'ai bu la tasse chin-chin, comme c'est pour toi, je m'en fous. Moitié morte. De son côté, Jean-Claude a bien rattrapé son quota d'alcool. Il est avachi sur un canapé de la discothèque. Quand, tout à coup, on apprend qu'une femme a plongé tout habillée dans la piscine à 2h du matin. Jean-Claude prend peur et cherche Monique partout dans cet énorme paquebot, quand il finit enfin par la retrouver. Je reviens te chercher. Je savais que tu m'attendais. Je savais que l'on ne pourrait se passer l'un de l'autre longtemps. Je reviens te chercher. Jean-Claude a alors une idée romantique. Il faut s'enfuir, quitter le navire. De toute façon, il ne pourra jamais payer les 14 caisses de champagne qu'il a offertes tout à l'heure. Nos deux héros grimpent alors dans un canot de sauvetage et le font descendre discrètement sur les flots. En s'éloignant du Matignon, Monique tente de se justifier, mais pour l'instant, Jean-Claude ne veut rien entendre et il lui fait savoir. Ram, ram, rameur, ramé, on n'avance à rien dans ce canoë. Là. Dans quelques heures, Monique et Jean-Claude auront rejoint finalement le port de Montpellier. Sans doute pour un nouveau départ, fin de l'histoire. Ils débarqueront tous les deux sur la plage ce soir et ils iront danser le mambo au Royal Casino sous les lambris rococo. L'amour à la plage, c'est ce que propose le groupe Niagara en 1986, parce que durant une croisière, tu peux faire escale, et pendant l'escale, tu peux faire l'amour sur la plage. Alors nous voici donc arrivés au terme de notre périple en paquebot. Du naufrage du Titanic au désamiantage du Clémenceau, de la poupe à la proue et des chantiers navals de Saint-Nazaire au mal de mer de Saint-Jean-Claude, nous t'avons dressé un panorama subjectif de ce que peuvent être les croisières en mer. Alors, c'est quoi exactement les croisières aujourd'hui ? Eh bien, tout d'abord, les paquebots sont devenus désormais de véritables villages vacances sur mer, accessibles à un grand nombre. Les croisières se sont démocratisées et aujourd'hui, c'est le secteur touristique qui progresse le plus. Les croisières font donc toujours rêver. L'idée de traverser l'Atlantique ou la Méditerranée sur un paquebot demeure encore associée au luxe. En général, quand tu embarques sur ce type de navire, tu ne peux t'empêcher de penser aux grands ancêtres comme le Titanic ou le France. Offrir une croisière, c'est l'assurance de passer pour un prince. Viens, je t'emmène sur l'océan. Viens, je t'emmène. Soleil levant, viens, je t'emmène sur mon bateau blanc. Et maintenant, pour finir, si la France décidait de construire un nouveau porte-avions pour remplacer le Clémenceau, la panique au Mangin Palace a cherché quel nom on pourrait lui donner. Pour commencer, et pour plaire aux écologistes, nous pourrions l'appeler le guerrier de l'arc-en-ciel, plus connu sous le nom de Rainbow Warrior, avec propulsion à l'huile de tournesol. Par ailleurs, pour ceux qui voudraient un bateau plus populaire, on pourrait l'appeler le Yvette Horner, de quoi propager allègrement le rayonnement national. Enfin, il y a d'autres possibilités pour l'aspect populaire. Sans doute que le Zizou ferait son effet. Imagine, ici le De Gaulle, localisez-vous Zizou. Mais bon, comme toujours, ce seront les militaires qui trancheront. Alors, pour une fois, on pourrait peut-être lui donner un nom qui fait peur à ce nouveau porte-avions. Je ne sais pas, moi, Lénine, par exemple. Ou, plus simplement, la bébête. Attention la bébête, la vilaine bébête. Attrapez la bébête, prenez bien garde à la bébête. Annie Cordy a peur de la bébête en 1976. Voilà, fin du 25e épisode, c'était « C'est quoi les croisières ?» revu et corrigé par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h pour une nouvelle aventure Total Foutraque et archi loufoque. C'était Panique au Mangin Palace, ce Radio Mix a été coécrit les doigts dans la prise avec Xavier Mauduit, un ami précieux, merci beaucoup à lui. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr Maître Yoda, alias H2M, le génial Henri-Marc Mutel, merci beaucoup Marco, assisté aujourd'hui d'Olivier Arnay et d'Antoine Viossa, merci beaucoup à vous deux. Pour toute la documentation, les recherches sonores et plein d'autres choses, on dit merci beaucoup à Amel Kaldi. Pour les Scud, on a Thierry Dupin qu'on remercie également. Merci aussi aux documentalistes de l'INA. Et enfin, merci à Catherine Pinto, notre jeune stagiaire dynamique et très efficace. Pour toutes les informations complémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com. Voilà, après le flash, vous retrouvez Patricia Martin pour son émission Philophile. Allez, portez-vous bien et surtout, ne